إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui le sujet dont on va parler, inshallah, c'est l'importance du tawhid, ahamiyatu tawhid. Et on peut dire en réalité que ce sujet-là, il est tellement important dans l'islam que si on peut résumer qu'est-ce que c'est l'islam, on pourrait dire que c'est la religion du tawhid. On pourrait dire que c'est la religion du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est très important d'en parler et d'en reparler, hein, et de le clarifier, de l'expliquer le plus possible justement pour qu'il soit de plus en plus clair pour nous, de plus en plus compris, et en même temps pour être capable par la suite, inshallah, de l'expliquer aux autres, de l'expliquer aux autres qui ne l'ont pas encore appris ou qui ne l'ont pas encore compris. Le tawhid, c'est la da'wah de tous les messagers d'Allah. Tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, ils ont tous commencé leur da'wah par le tawhid. Et donc c'est pour cette raison-là que c'est très important de mettre beaucoup d'importance sur ça, et pour être sûr que notre tawhid il est correct et complet. Donc le cheikh qui a écrit cette conférence, c'est encore le cheikh Al-Fawzan. Et donc on va commencer par lire cette conférence ensemble, inshallah, et on s'arrête dans certains points lorsque il y a des points qui sont importants ou intéressants, inshallah, on va élaborer un peu sur ce que le chef est en train d'expliquer. Il dit bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa ba'd. فان موضوع هذه المحاضره موضوع مهم جدا يهم كل مسلم وليس هو من المواضيع التي تقل فائدتها أو المواضيع التي تختص ببعض الناس دون بعض وإنما هو موضوع يجب على كل مسلم معرفته ألا وهو أهمية التوحيد ومكانته في الإسلام ذلك الموضوع الذي يجب علينا دائما أن نتحدث عنه وأن نوضحه وأن نتعلمه ونعمل به لأنه مناط السعادة في الدنيا والآخرة والتوحيد معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه هذا الموضوع تكرر ذكره في كتاب الله عز وجل ولا تكاد تخلو صورة من صور القرآن العظيم إلا وفيها ذكر للتوحيد أمر به وحث عليه وهناك صور كثيرة وخصوصا الصور المكية تكون الصورة من أولها إلى آخرها في موضوع التوحيد. Donc le cheikh il commence, il dit que donc le sujet dont on va parler c'est un sujet très très important et qui concerne tous les musulmans et qui est important pour tous les musulmans. Ça ne fait pas partie des sujets dont disons l'intérêt ou le bienfait est peu ou limité. Non, bien au contraire. Et ça ne fait pas non plus partie des sujets qui concernent uniquement une partie des gens en dehors des autres. C'est un sujet, au contraire, qui est obligatoire à chacun d'entre nous, les musulmans, de le connaître. Et c'est-à-dire l'importance du tawhid et la position et le statut du tawhid dans l'islam. Et ce sujet, donc, c'est quelque chose qui est obligatoire pour nous tout le temps. Il n'y a pas un moment où il n'est pas obligatoire d'en parler ou de l'expliquer ou de le clarifier. et de l'appliquer. Donc il est obligatoire pour nous à tout moment et à tout instant de le connaître, de l'apprendre, de clarifier et d'appliquer également ce que ça signifie. Parce que c'est le centre de notre religion. C'est le cœur de notre bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà. C'est-à-dire notre bonheur, il est relié à ça. Il est relié au tawhid. Et sans le tawhid, il n'y a pas de bonheur possible. Ni dans cette dunya, ni dans l'akhira. Et la signification du tawhid, si on veut le résumer de façon plus simple et plus courte, on peut dire comme le cheikh l'explique que c'est ifradullah bil'ibada wa tarku ibadati ma siwa. Donc cette petite phrase, elle résume la signification complète du tawhid. C'est-à-dire de faire en sorte que notre adoration soit exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner en dehors d'Allah tout ce qui est adoré par les hommes. C'est-à-dire on cesse d'adorer toute chose excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on adore, on adore que Allah seul. On ne voue notre adoration que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet-là, il est répété dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises, dans plusieurs sourates, dans plusieurs sourates du Coran, dans plusieurs versets. Hein? Et donc, il n'y a pas une sourate dans le Coran excepté que dedans, il y a la mention du tawhid. Et ça montre l'importance de ce sujet dans l'islam. Donc, soit qu'il y a la mention du tawhid, l'ordonnance du tawhid et l'incitation au tawhid. Il y a des sourates dans le Coran qui sont spécifiques, qui ne parlent que de ce sujet-là. Ils ne parlent rien d'autre que du tawhid, du début de la sourate jusqu'à la fin. Des sourates qui parlent que du tawhid. Le Cheikh dit bal inna al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabih madarij as-salikin yaqul وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وحقيقة صفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول التنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. Donc le cheikh explique que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Madarij al-Salikin, il a expliqué l'importance du tawhid, et il mentionne comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans plusieurs dans les sourates du Coran. Il dit en ce qui concerne le tawhid auquel les messagers ont appelé et avec lequel les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été révélés et sont descendus, il est de deux catégories. Il est de deux catégories. C'est tawhid al-ma'rifa wal-ithbat. Et la deuxième catégorie, c'est tawhid al-talab wal-qasd. Et vous savez que les ulama, parfois ils divisent tawhid en trois catégories, et parfois ils divisent tawhid en deux catégories. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma'i wa-sifat. Tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma wa sifat, il y a des ulama qui les mettent ensemble. Et donc ça fait en réalité deux catégories. Tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma wa sifat, ça fait une seule catégorie qu'ils appellent tawhid al-ma'rifa wal-ithbat. Al-ma'rifa wal-ithbat. Parce que en réalité, tawhid al-asma wa sifat et tawhid al-rububiyya, c'est ce que ça signifie. Tu affirmes. Et tu connais Allah subhanahu wa ta'ala et tu affirmes qu'est-ce qu'il a affirmé comme attribut pour lui-même et comme nom. Donc ça, c'est ces deux catégories de tawhid sont réunies ensemble dans cette appellation qu'on dit tawhid al-ma'rifa wal-ithbat. Puis tawhid al-ibada ou tawhid al-uluhiyya, ça c'est des synonymes. On peut dire tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration, ou tawhid al-uluhiyya wal ibadat, les deux ça signifie la même chose. On le mentionne, on l'appelle également tawhid al-talab wal-qasd, c'est-à-dire le tawhid dans la quête et dans l'objectif. Et Donc ça c'est les deux catégories de tawhid si on le divise en deux catégories. Et le cheikh explique que qu'est-ce que ça signifie la première catégorie de tawhid, al-ma'rifa wal-isbat, c'est-à-dire d'affirmer la réalité de la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tu affirmes l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs et de ses actions et de ses noms et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle par sa révélation et par ses livres. Et de même qu'il parle en s'adressant à certains de ceux qu'il a choisis parmi ses serviteurs, comme les messagers auxquels il s'est adressé, comme Moussa, qu'on appelle Kalimullah. On l'appelle Kalimullah parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Hein? Et donc ça fait partie des exemples aussi des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit affirmer. Donc, on doit également affirmer le sens général du décret et de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a prédestiné. De même que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hikmah. Hein? Donc on affirme al-qada wal-qadar et al-hikmah. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on doit affirmer, qui rentre dans le tawhid également. Et le Coran, il l'a clarifié dans cette catégorie de façon très claire. Dans plusieurs sourates dans le Coran, et le cheikh il mentionne des exemples de ça, comme par exemple au début de sourate al-Hadid, où on mentionne plusieurs des noms et des attributs d'Allah. Dans sourate Taha, dans la fin de sourate al-Hajj, on a une énumération de plusieurs d'entre les noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au début également de sourate al-Sajda, et de même qu'au début de sourate al-Imran, et sourate al-Ikhlas, elle est au complet du début à la fin que sur le tawhid. Hein, et sur cette catégorie en particulier, al-ma'rifa wal-isbat, et ainsi que dans d'autres sourates aussi dans le Coran. Le Cheikh dit wa an-naw' ath-thani ma tadammanathu sourat qul ya ayyuha al-kafirun. C'est-à-dire la deuxième catégorie de tawhid, at-talab wal-qasd, c'est-à-dire tawhid al-ibada, et c'est expliqué par exemple dans des sourates comme qul ya ayyuha al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il parle de l'adoration. J'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Donc tout ça, c'est un rapport avec tawhid al-ibada, c'est-à-dire que tu adores que Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te désavoues de ce que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh explique ensuite, il dit wa qawluhu ta'ala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc on voit dans cette sourate, dans sourate Al-Imran, que Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux gens du livre. Hein? Et il nous ordonne plutôt de nous adresser aux gens du livre. C'est le verset 64 dans sourate Al-Imran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là justement, dit au Muhammad, aux gens du livre. Et en même temps, tous les musulmans doivent ensemble dire cette parole-là également aux gens du livre. Ta'alaw ila kalimatin sawa. C'est-à-dire, venez, vous et nous, venons ensemble à une parole commune. Venons ensemble à une parole commune. Et c'est quoi cette parole commune? C'est la parole du tawhid. An la na'buda illa Allah. C'est-à-dire qu'on adore que Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne fasse aucune forme de shirk avec lui. C'est-à-dire que quand on appelle les juifs et les chrétiens à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'islam, on doit les appeler à abandonner ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah? Ils adorent Isa alayhi salam. Ils le prennent comme un dieu en dehors d'Allah. Ils adorent Maryam aussi, hein, sa mère. Ils la prennent comme une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils adorent les croix, et les statues, et les saints, et les images. Hein. Tout ça, c'est des exemples de choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ça, c'est des choses, quand on appelle les juifs et quand on appelle les chrétiens à l'islam, on doit les appeler à adorer Allah seul et à abandonner tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et c'est ça la signification de kalimatin sawa. Ta'alaw ila kalimatin sawa, venons à une parole commune. Ça ne veut pas dire comme certains égarés aujourd'hui ont voulu l'expliquer ou l'interpréter, de dire choisissons une parole qui est commune entre vous et nous et puis on se met d'accord dessus. Et comme ils ont fait justement à Montréal, il y avait un colloque, ils ont organisé un colloque avec toutes les religions, Et puis ils ont dit, venons à une parole commune, et ils ont choisi la parole commune, c'était quoi? C'est le mot amour. Donc ils ont dit, on va se mettre d'accord sur l'amour, hein, tout le monde en est d'accord sur l'amour, donc on va se mettre d'accord sur l'amour, et puis on va dire aux chrétiens, aux juifs, et à toutes les autres personnes qui font du shirk et qui adorent d'autres que Allah, on va se mettre d'accord sur l'amour. Et ça, bien entendu, c'est pas la signification du verset Ta'alou ila kalimatin sawa. Hein? Ta'alou ila kalimatin sawa, c'est-à-dire on accepte qu'on doit adorer seulement Allah et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on le rejette. Et ils doivent accepter le tawhid avec nous. Puisque la base du message de leur prophète et de leur messager, c'était le tawhid eux aussi. Les chrétiens, s'ils prétendent croire en Isa alayhi salam, eh bien, ils doivent croire au tawhid. Puisque le prophète Isa alayhi salam, sa da'wa, à la base, c'était d'adorer Allah seul et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'était le tawhid. Donc, s'ils prétendent vraiment suivre Isa alayhi salam, ils doivent abandonner le shirk et l'adoration de Isa et l'adoration de Maryam et l'adoration des croix et des statues et des saints et des images en dehors d'Allah. Donc ça c'est le tawhid, et la même chose pour Moussa alayhi salam, pour les juifs. S'ils prétendent réellement qu'ils croient en Moussa alayhi salam, ils doivent cesser d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les hommes pieux et les hommes saints qu'ils adorent, et parmi les exemples de tombes qu'ils prennent comme intermédiaires ou intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres formes de shirk qu'ils commettent également. Donc ça c'est important de le comprendre, ce verset, justement pour réfuter certains d'entre les musulmans qui ont mal compris la signification du tawhid et qui ont essayé d'unir les hommes sur autre chose que la ilaha illallah. Donc le cheikh il mentionne donc aussi d'autres versets où on parle de tawhid al-ibada. Il dit wa awwal surat tanzil al-kitab wa akhirha wa awwal surat al-mu'minun ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة أو جملة من سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة أو كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله أو من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Donc le cheikh il explique que dans différentes sourates du Coran il y a la mention de tawhid al-ibada aussi, comme dans le début de Tanzil al-Kitab et jusqu'à la fin également dans sourate al-Mu'min, c'est-à-dire surat Ghafir, on l'appelle surat al-Mu'min aussi, au début, au milieu et à la fin, et au début de surat al-A'raf et à la fin également, et une partie de surat al-An'am, et dans la majorité des sourates également on peut dire qu'il y a la mention du tawhid. Et il explique de quelle façon on peut retrouver le tawhid dans ces différents versets. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit, dans toutes les sourates du Coran, on peut voir qu'il y a quelque chose qui comprend une des deux catégories du tawhid qu'on a mentionné. Soit quelque chose qui a rapport avec le témoignage, hein, du fait qu'on a appelé au tawhid également. Donc le Coran, c'est soit une information au sujet dans le Coran, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve soit une information au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au sujet de ses noms, au sujet de ses attributs, au sujet de ses actions, au sujet de ses paroles. Donc ça c'est at-tawhid al-ilmi al-khabari ou bien al-ma'rifa wal-isbat comme on l'a mentionné tout à l'heure. Hein, tawhid al-rububiyya ou tawhid al-asma wal-sifat. Imma wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la sharika la. Ou bien on mentionne soit le tawhid dans le sens qu'on appelle à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et l'abandonnement ou le fait d'abandonner le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner ou de délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est encore une fois at-tawhid al-iradi al-talabi ou bien tawhid al-irada wal-qasd ou bien tawhid al-talab wal-qasd. Donc on peut l'appeler de ces différentes façons là, c'est la même signification. Ou bien donc que ce soit un ordre ou une interdiction dans la religion en général, quelque chose que Allah ordonne ou quelque chose qu'il interdit, ou le fait qu'il nous impose de lui obéir ou d'obéir à son messager et il nous interdit de lui désobéir. Et donc tout ça c'est relié avec les choses qui font partie des droits du tawhid et qui viennent parfaire le tawhid, parce que le tawhid il est différents degrés, on peut dire. Il y a la perfection du tawhid, c'est lorsque la personne s'est écartée de tout péché, petit ou grand, et de toute innovation, hein, et qui s'est écartée de toute forme de shirk, mineur ou majeur. Ça, c'est la perfection du tawhid. Mais par la suite, il y a, disons, le minimum du tawhid qui est de s'écarter du shirk akbar, pour éviter de rentrer dans l'enfer pour l'éternité. Donc, entre la perfection du tawhid et le minimum du tawhid, hein, on peut dire qu'entre les deux, il y a, tout ça, ça rentre quand même, de toute façon, tout ce qui a rapport avec les ordres d'Allah et les interdictions d'Allah, rentre dans le tawhid. Mais qu'est-ce qui rentre dans le perfectionnement du tawhid? C'est le fait de s'écarter également des péchés. Comme par exemple, si par exemple un musulman, fait un péché, il boit de l'alcool ou bien disons que il prend du riba, ça va pas annuler son tawhid. Son tawhid il est quand même valable puisqu'il n'a pas commis de shirk, sauf que son tawhid il est diminué puisque c'est relié avec sa foi, et du moment que sa foi diminue, son tawhid il diminue aussi, sauf que la base du tawhid qu'il a en lui, du fait qu'il reconnaît que Allah seul mérite d'être adoré et il n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, la base de son tawhid il est toujours là puisqu'il n'a pas encore détruit son tawhid par un acte de shirk. D'accord? Donc c'est pour ça que le shaykh il explique ici, l'imam Ibn al-Qayyim yani rahimahullah, il dit donc qu'il y a des aspects qui font partie du tawhid, tawhid al-ibada et tawhid al-asma al-sifat ou bien tawhid yani al-rububiyya. Puis par la suite il y a des choses qui ne font pas nécessairement partie du tawhid lui-même, mais qui viennent perfectionner ton tawhid et compléter ton tawhid, et c'est-à-dire les obéissances et les interdictions dont tu dois t'abstenir. Ok, donc ça aussi on peut dire d'une certaine façon que ça rentre dans le perfectionnement du tawhid, donc c'est relié quand même au tawhid. Sinon on voit qu'il y a des informations dans le Coran au sujet il y a des gens qui vont rentrer dans le paradis parce qu'ils ont cru au messager, ils ont cru en Allah et ils ont établi le tawhid d'Allah. Donc, ils ont la récompense d'Allah parce qu'ils ont été ils sont restés sur le tawhid. Donc, on peut dire que lorsque Allah parle du paradis, il parle également du tawhid encore, puisque c'est la récompense des gens qui sont sur le tawhid. Et lorsqu'il parle également des gens du shirk, donc lorsqu'il parle des gens du tawhid, du fait qu'il les a sauvés dans cette dunya, hein, et qu'il les a fait rentrer dans l'au-delà, dans le paradis, ça aussi ça a rapport avec le tawhid. Et lorsqu'il parle de la rétribution de ceux qui se sont opposés au tawhid, c'est-à-dire les gens du shirk, qu'ils ont eu un châtiment dans cette dunya et dans l'au-delà également, donc tout ça aussi ça a rapport avec le tawhid, hein, puisque c'est le châtiment des gens qui ont commis le shirk. Donc, on peut dire qu'il n'y a rien dans la religion qui sort du tawhid. Et donc, il n'y a rien dans le Coran, excepté que c'est au sujet du tawhid. Ou bien, soit que c'est du tawhid lui-même, ou bien des droits du tawhid, ou bien de la récompense du tawhid, Et la même chose pour le contraire par rapport à ceux qui ont commis du shirk. Et les gens qui ont le shirk lui-même, Allah nous avertit contre le shirk. Il nous avertit au sujet des gens qui ont commis le shirk, qu'est-ce qui va leur arriver dans l'au-delà ou dans cette dunya lorsqu'ils ont désobéi au messager, et la rétribution qu'ils vont avoir dans l'au-delà, c'est-à-dire la punition qu'ils vont avoir dans l'enfer. Donc on peut dire que la religion au complet, tout ce qui est dans le Coran, c'est relié au tawhid. Et il n'y a rien qui en sort d'une certaine façon. Donc le cheikh il dit inna ba'dha an-nas al-yawm min jahalati ad-du'at wa aquluha bi asaf لأنه لا يصلح للدعوة من كان جاهلا لا يجوز أن يدخل في مجال الدعوة إلا من كان عالما ومسلحا بالعلم وهو يعني من يقول من جهلة الدعاة من يهون من شأن التوحيد ويقول الناس مسلمون أنتم في بلاد مسلمين العالم إسلامي ليس بحاجة إلى أن يلقى محاضرات في التوحيد ليس بحاجة إلى أن يلقى محاضرات في التوحيد أو يقرر مقررات في المدارس في التوحيد أو تقرأ كتب في التوحيد في المساجد هكذا يقولون وهذا من الجهل العظيم لأن المسلم أحوج من غيره لمعرفة التوحيد من أجل أن يحققه ومن أجل أن يقوم به ومن أجل أن يبتعد عما يخل به أو يناقضه من الشركيات والبدع والخرافات ما يكفي أن يكون مسلما بالاسم من غير أن يحقق الإسلام ولن يحققه إلا إذا عرف أساسه وقاعدته التي يبنى عليها وهو التوحيد. Donc le cheikh explique qu'il y a des gens aujourd'hui parmi les gens qui prétendent faire de la da'wa à notre époque, et mais qui sont malheureusement ignorants de la da'wa, et il dit que, le cheikh dit, je dis ça tristement parce qu'en réalité, une personne n'est pas supposée faire de la da'wa alors qu'elle est ignorante. Les gens qui rentrent dans la da'wa doivent être au moins armés de la science. Ils doivent connaître au moins des choses des bases de l'islam et connaître la religion d'Allah. Donc, ces gens qui font de la da'wa mais qui sont ignorants, ils dénigrent l'importance du tawhid. Et ils disent par exemple, nous on est musulmans, et on est dans des pays musulmans, ou bien on est dans un environnement musulman, et on n'a pas besoin d'entendre des conférences sur le tawhid. Ou bien qu'on enseigne le tawhid dans les écoles, ou bien qu'on lise des livres sur le tawhid dans les mosquées. Et ça, c'est ce que les gens disent. Et ça, c'est ce que ces ignorants disent. Et ça, c'est la plus grande ignorance. Pourquoi? Parce que le musulman a besoin de connaître le tawhid encore plus que les autres. Le musulman a besoin de connaître le tawhid encore plus que les autres, dans le but d'être capable de réaliser sa signification réelle, et dans le but d'être capable de l'établir, et dans le but d'être capable de s'écarter de tout ce qui peut venir mettre des défaillances ou des problèmes dans son tawhid, ou de ramener dans son tawhid ce qui vient en contradiction avec son tawhid, comme par exemple des différentes formes de shirk, ou bien des différentes innovations, ou bien des différentes superstitions que les gens peuvent pratiquer parmi les musulmans. Et donc c'est important de connaître la signification du tawhid à cause de ces raisons-là. C'est pas suffisant pour quelqu'un, par exemple, de dire qu'il est musulman, qu'il a le nom d'un musulman. C'est pas suffisant jusqu'à ce qu'il ait réalisé la réalité de l'islam et qu'est-ce que ça signifie réellement l'islam, et qu'il l'ait accompli et complété comme il faut, et qu'il ait connu la base de cet islam, qu'est-ce que c'est, et la règle de cet islam, qu'est-ce que c'est, et sur quoi cet islam est établi et fondé, et c'est-à-dire le tawhid. Le cheikh dit fa inna an-nas idha jahilu at-tawhid wa jahilu masail ash-shirk وأمور الجاهلية فإنهم حينئذ يقعون في الشرك ومن حيث لا يدرون أو لا ومن حيث يدرون أو لا يدرون وحينئذ تقوض عقيدة التوحيد كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهل كل المسلمين يعرفون أمور العقيدة وأمور التوحيد؟ Donc le cheikh il continue à expliquer, il dit que يعني, lorsque les gens ignorent le tawhid parmi les musulmans, eh bien qu'est-ce qui arrive? S'ils ignorent le tawhid ou s'ils ignorent les questions qui ont rapport avec le shirk et les questions de la jahiliya, alors ils vont tomber dans le shirk, tôt ou tard, qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas, c'est-à-dire ils risquent de tomber dedans par ignorance même. S'ils ne le savent pas. Et c'est là, à ce moment-là, que la aqida du tawhid va commencer à s'effriter, petit à petit. Comme Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a expliqué ça dans une parole très célèbre. Et il a dit que le câble de l'islam va s'effriter, hein, va se défaire petit à petit, corde par corde, fil par fil. Et il a expliqué que c'est lorsque des gens vont naître dans l'islam et vont grandir dans l'islam, sans avoir connu la jahiliya. Lorsque des gens vont naître dans l'islam sans avoir connu la jahiliya. C'est-à-dire que les premiers musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont nés dans le shirk parfois, hein, ils ont connu l'islam et ils ont connu le shirk. Ils ont connu l'islam et ils ont connu le kufr avant l'islam. Et donc quand ils sont rentrés dans l'islam et quand ils ont accepté l'islam, ils ont su pourquoi ils l'ont accepté. Et ils ont su de quoi ils ont su qu'est-ce qu'ils avaient quitté auparavant, de qu'est-ce qu'ils pratiquaient comme choses qui sont opposées et contraires à l'islam. Toutefois, les gens qui sont grandis par la suite dans l'islam, qui sont nés musulmans dans des familles musulmanes ou qui ont grandi dans des pays musulmans par la suite et qui n'ont pas connu la jahiliya, ils ne connaissent pas l'importance parfois de l'islam ou la valeur du tawhid, et ils ne connaissent pas le danger du shirk et le danger de l'égarement. Hein? Donc c'est pas comparable avec la personne qui a connu le shirk, qui l'a pratiqué, qui l'a vécu. C'est-à-dire lui, il a connu la noirceur, il a connu l'égarement, il a connu les ténèbres, il a connu l'ignorance. Et il est rentré dans l'islam, il a vu la lumière, et il a vu la différence entre le noir, l'obscurité, et la clarté de la foi et du tawhid et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a connu les ténèbres du shirk et de l'égarement et de l'ignorance. Il peut faire la distinction entre les deux et il connaît la valeur de l'islam, il connaît la valeur du tawhid, il connaît la valeur de la da'wah des messagers d'Allah. Mais celui qui est né dedans et qui prend tout pour acquis, pour lui, hein, le shirk, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour lui, le tawhid, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, pour certains, ça n'a pas vraiment une grande signification parce qu'ils n'ont pas connu justement à quel point l'égarement est grave. Et à quel point le kufr et le shirk sont des voies de ténèbres, hein? Et il est né dans la lumière de l'islam. Donc pour lui, la lumière, c'est quelque chose de naturel et normal, hein? Ça ne lui fait pas de difficulté de voir dedans. Quand quelqu'un il vient dans une pièce sombre, il ne voit pas bien, hein? Il ne voit rien. Mais il s'habitue petit à petit à la noirceur. Puis si tu l'amènes dans la clarté d'un seul coup, il devient ébloui, ça lui fait mal aux yeux, hein, au tout début. Mais après, quand il reste dans la lumière, il s'habitue. Eh bien, souvent, c'est ça ce qui se passe. Hein. Quand on rentre dans l'islam, on rentre dans la lumière, on vient des ténèbres. Plus on découvre, plus on voit la grandeur et la beauté de l'islam. Mais ceux qui sont nés dans la lumière, pour eux, c'est normal. Donc, ils regardent, ils voient, ils ne comprennent pas la différence parce qu'ils n'ont pas connu la noirceur, qu'est-ce que c'était. Hein. Donc, ça, c'est un bon exemple pour nous faire comprendre la différence. Et donc, est-ce que les musulmans aujourd'hui, ils connaissent les questions qui ont rapport avec la croyance et la aqida? Et est-ce qu'ils connaissent le tawhid? Et je suis certain que si on devait tous, par exemple, faire distribuer aux musulmans ici, en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, si on devait tous leur faire passer des questionnaires pour leur faire poser des questions sur le tawhid et les fondements de l'aqida de l'islam et du tawhid, et qu'on leur demandait de remplir ce questionnaire ou qu'on leur faisait passer un examen sur le tawhid, je suis certain que beaucoup d'entre les musulmans auraient de la difficulté à répondre à certaines questions justement à ces sujets-là si on leur demandait de mentionner qu'est-ce que c'est le tawhid, qu'est-ce que c'est le shirk, et de ramener les preuves et les éléments qui viennent confirmer le tawhid et qui viennent annuler le shirk, et de clarifier et d'expliquer qu'est-ce qui oppose l'islam parmi les différentes formes de négation de l'islam, et ainsi de suite, puisque beaucoup d'entre eux, les musulmans, ont négligé cette base importante de l'islam. Et des fois aussi c'est à cause justement du fait qu'il y en a parmi les gens qui prétendent faire la da'wa à l'islam, qui dénigrent le tawhid ou qui négligent le tawhid et qui essaient de faire comprendre aux gens que c'est secondaire le tawhid. Ils essaient de leur faire comprendre que avant de parler de tawhid, il faut parler de d'autres sujets, de politique, d'économie, de comportement, hein, de d'autres choses. Le tawhid, pour eux, ça vient en dernier, c'est pas important. Et ça prouve qu'ils n'ont rien compris à l'islam, ni à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 13 ans à Mecca, que à parler de tawhid. 13 ans à Mecca, expliquer la ilaha illallah, et à dire aux gens qu'ils doivent adorer Allah seul, et qu'ils doivent adorer, ils doivent cesser d'adorer les idoles, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh, il dit, إذا كان العلماء يعلمون هذا فالعلماء قلة وأقل من القليل العلماء بالمعنى الصحيح أقل من القليل كلما تأخر الزمان فإن العلماء على الحقيقة يقلون ويكثر المتعالمون ويكثر القراء وتكثر الرؤوس الجهال كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وفي حديث آخر وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه وفي حديث آخر يأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا ذكره الهروي. Donc le cheikh, il mentionne, il dit que les ulama, ils savent le tawhid, ils connaissent le tawhid, mais les ulama sont très peu parmi les hommes. Hein? Les ulama, dans la vraie signification du terme, ils sont très peu, et peu encore plus, encore moins qu'on peut s'imaginer. Et plus le temps avance, plus on s'éloigne de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moins il y a de ulama. Hein? Donc les vrais ulama, ceux qui sont réellement des ulama, sont très peu. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup à notre époque? Ce sont des gens éduqués, des gens cultivés, mais pas des ulama, pas des savants. On a des gens qui sont cultivés, qui connaissent beaucoup de choses dans l'islam, des docteurs qui ont des diplômes de différentes universités, des gens qui ont étudié dans des universités islamiques. Ils ont une éducation islamique, mais ce ne sont pas des ulama. Les ulama, c'est autre chose. Hein? Et donc, il y a beaucoup de gens, parmi les gens qu'on considère comme étant muta'alimoun, qui ont étudié, qui ont fait des études, mais peu de ulama. Il y a beaucoup de récitateurs et de gens qui lisent des livres, hein, qui connaissent le Coran du début à la fin, mais peu de ulama. Il y en a, vous voyez des gens par exemple qui mémorisent le Coran du début à la fin et qui viennent par exemple de différents pays musulmans pour venir diriger la prière dans le Tarawih. Et les gens, quand ils voient ces gens-là, ils s'imaginent que ce sont eux les ulama. Mais mémoriser le Coran, c'est une chose, mais avoir la compréhension du Coran, c'est autre chose. Hein? Et donc ça, il faut faire la distinction entre les deux. Donc il y a, le cheikh dit, il y a beaucoup de têtes aujourd'hui qui sont ignorantes. Et comme c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève pas la science aux hommes en l'arrachant de leur cœur ou de leur poitrine. Hein? Il n'enlève pas la science des hommes de cette manière. Il enlève la science en faisant mourir les ulama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, aucun alim. Alors les gens prennent des têtes ignorantes. Et il leur pose des questions sur la religion et il donne des réponses et des fatwas sur la religion sans science, alors ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent avec eux les gens à cause de leur ignorance. Et dans un autre hadith, hein, qui est rapporté par l'imam Malik, hein, rahimahullah, il dit, il va venir une époque où il y aura peu de fuqaha, c'est-à-dire peu de savants, peu de gens qui ont de la compréhension et du fiqh, mais qui sont, il y aura beaucoup de récitateurs et beaucoup de gens qui lisent, mais peu de fuqaha, peu de gens qui ont de la compréhension et de la science réellement. Et il mentionne une autre parole qui a été rapportée par l'imam al-Harawi. Il dit que il va y avoir une époque qui va venir, il y aura beaucoup de khutaba, c'est-à-dire des gens qui font des discours et des khutab, mais il y aura peu de ulama. Et il dit, celui qui va s'accrocher à un dixième de ce qu'il connaît, alors il est sauvé. À un dixième de ce qu'il connaît. Le cheikh dit ensuite, « وَمِنْ هُنَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَهْتَمَّ بِجَانِبِ التَّوْحِيدِ وَأَنْ نَعْتَنِي بِهِ عِنَايَةً تَامَّةً وأن ندرسه وندرسه ونحاضر فيه ونعقد فيه الندوات ونشكل فيه البرامج في وسائل الإعلام ونكتب عنه في الصحف وندعو إلى التوحيد رضي من رضي وغضب من غضب لأن هذا أساس ديننا وهذا مبنى عقيدتنا ونحن أحوج الناس إلى أن نعترف أو نتعرف عليه وأن نتدارسه وأن نبينه للناس ففي العالم الإسلامي نشاهد الشركية المشيدة على القبور كما تسمعون عنها أو كما رآها بعضكم ممن سافر الدين عندهم هو الشرك وعبادة الموتى والتقرب إلى القبور ومن لم يفعل ذلك عندهم فليس بمسلم لأنه بزعمهم ينتقص الأولياء كما يقولون. Donc le cheikh il dit que il est obligatoire à notre époque de donner de l'importance au tawhid et de donner de la préoccupation au tawhid et de s'en préoccuper d'une façon complète. On doit l'étudier nous-mêmes et on doit l'enseigner et on doit faire des conférences à ce sujet. Et il faut établir des colloques et des séminaires sur ce sujet. Et il faut faire des programmes dans les médias, à la télé, à la radio, sur le tawhid. Et il faut écrire dans les journaux au sujet du tawhid. Et il faut appeler les gens au tawhid. Que cela plaise à qui cela plaise, ou que cela mette en colère qui cela met en colère. Parce que c'est la base de notre religion. Hein? Et c'est la fondation de notre aqidah et de notre croyance. Et nous, les musulmans, nous en avons plus besoin que quiconque autre parmi les gens. Parce que c'est la base de notre croyance. Donc il faut l'étudier. Et il faut faire comprendre ça aux gens. Et il faut faire comprendre aux musulmans l'importance de ce sujet. Le cheikh il explique, il dit pourquoi? Parce que dans le monde musulman actuellement, on voit toutes sortes de formes de shirk et d'associations avec Allah et d'idolâtrie. Des gens qui adorent les tombes et qui construisent des monuments ou des dômes ou des mosquées sur les tombes. Et vous entendez parler de ça. Et certains d'entre vous, vous n'avez non seulement entendu parler de ça, vous l'avez vu avec vos yeux. Vous avez vu des gens qui pratiquent ces choses-là. Hein? Comme certains d'entre vous qui avez voyagé et qui êtes allés dans les pays musulmans et que vous avez constaté que des gens, parmi les gens qui se disent musulmans, dans les pays musulmans, font ce genre de choses et qu'ils adorent les tombes et les morts. Donc pour eux, ceux qui pratiquent ces formes de shirk, pour eux la religion c'est le shirk. Et pour eux la religion c'est l'adoration des morts. Et pour eux, l'adoration et la religion, c'est de s'adorer, c'est de se rapprocher aux tombes. Et pour eux, si on n'adore pas les tombes, on n'est pas musulman. C'est-à-dire pour eux, les vrais musulmans, c'est ceux qui adorent les tombes. Parce que pour eux, si tu n'adores pas les tombes, tu as manqué de respect envers les saints. Tu as manqué de respect envers les hommes pieux. Donc ils ont renversé la religion à l'envers. Pour eux, le tawhid est devenu le shirk. Et le shirk est devenu le tawhid. Ils n'ont plus rien compris de la religion. Et le cheikh, il dit que, le cheikh, il dit ensuite, هناك دعاة لا يهتمون لا يهتمون في تلك البلاد بأمر التوحيد مع الأسف وإنما يدعون الناس إلى الأخلاق الطيبة وإلى ترك الزنا وترك شرب الخمر وهذه كبائر محرمات لا شك ولكن حتى ولو ترك الناس الزنا وشرب الخمور وحسنوا أخلاقهم وتركوا الربا ولكن لم يتركوا عبادة القبور فإن أساسهم غير صحيح ودينهم غير صحيح مقوض ولو تركوا الكبائر ما دام أنهم لم يتركوا الشرك حتى لم يشرك ما دام أنه لا يذكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبرأ من المشركين فإنه يكون مثلهم ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Les cheikhs, ils disent qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent de da'wa et qui prétendent faire la da'wa. Ils ne donnent pas d'importance au tawhid. Ils ne donnent aucune importance au tawhid dans les pays musulmans. Et ça, c'est très triste. Et c'est dommage. On voit qu'ils invitent les gens au bon comportement. On voit qu'ils invitent les gens à cesser de commettre le zina, à cesser de boire de l'alcool, ou à cesser de commettre d'autres parmi ces grands péchés. Et il n'y a pas de doute que ça, ce sont des grands péchés. Et que ce sont des choses haram. Et que ce sont des choses que Allah déteste. Et ce sont des choses dont on doit s'écarter. Et on doit s'éloigner. Mais même si les gens abandonnaient le zina, même si les gens abandonnaient l'alcool, et qu'ils avaient corrigé leur comportement, qu'ils avaient un bon comportement par la suite, et qu'ils avaient abandonné le riba ou les autres péchés, et même si par exemple les gens ils font la salat, ils font la zakat, et ils font le jeûne de Ramadan, et ils font le hajj à chaque année, mais qu'ils continuent à adorer les tombes, et qu'ils continuent à adorer les morts, alors dans ce cas-là, rien de ça n'aura aucune valeur pour eux au jour de la résurrection. Même s'ils prient 5 fois par jour, même s'ils font le Ramadan, il y en a qui disent, il y en a qui posent la question parfois, si je ne fais pas la salat, est-ce que Allah va accepter mon Ramadan? Ils posent cette question, et il y en a des ulama qui disent non. Pourquoi? Il y en a qui disent non parce qu'il y en a qui considèrent que celui qui ne prie pas, il est kafir. Il y en a d'autres qui disent, tant qu'il reconnaît l'obligation, il n'est pas kafir. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que son jeûne va être accepté. Mais que dire de celui qui fait la salat, qui fait le jeûne, qui fait le hajj, qui fait la zakat? Pourquoi les gens ne posent pas la question, est-ce que ma salat va être acceptée si je fais le shirk? Est-ce que mon jeûne va être accepté si je fais le shirk? Est-ce que mon hajj va être accepté si j'adore les tombes et j'adore les morts? Ça c'est encore plus important. C'est encore plus grave parce que c'est la base de l'islam. Donc le cheikh il dit, si ta base elle n'est pas correcte, alors ta religion au complet elle n'est pas correcte. Même si tu abandonnes les grands péchés, même si tu abandonnes les grands péchés que Allah t'a interdit, mais que tu n'as pas abandonné le shirk. Et c'est pas juste que tu fais pas le shirk toi-même. Peut-être que toi tu n'adores pas de tombe. Peut-être que toi tu n'adores pas d'idole. Peut-être que toi tu n'adores pas de statue. Peut-être que toi tu n'adores pas le soleil ou les étoiles ou la lune. Donc tu dis moi je suis sauvé, dans ce cas-là c'est correct. Non, c'est pas fini. C'est pas juste que toi tu le fais pas toi-même. En même temps, tu dois rejeter tout ce que les autres font aussi. Si tu vois des gens devant toi, ou bien tu sais que des gens ailleurs, ils pratiquent ces choses-là, tu dois te désavouer de cette chose-là. Tu dois te désavouer du shirk qu'ils commettent. Même si toi-même, tu ne le fais pas. Si tu les vois en train de le faire, puis tu dis, laisse-les, ils ont le droit de le faire. Alors, c'est comme si toi-même, tu étais avec eux. C'est comme si toi-même, tu étais d'accord avec eux. Et donc, dans ce cas-là, tu es mouchrik comme eux. Donc c'est pas juste de dire que moi-même je l'ai pas fait. Donc tu dis, oh, moi j'ai pas fait le shirk. Je suis pas rentré dans l'église pour adorer Isa, ou bien adorer la croix, ou bien adorer Mariam. Hein? Donc je suis correct, je suis sauvé. Sauf que tu dis, mais c'est correct, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le droit de faire ça, c'est bien. Alors dans ce cas-là, même si t'es pas rentré avec eux dans l'église, c'est comme si tu étais rentré avec eux dans l'église. Parce que tu acceptes et tu approuves ce qu'ils commettent comme shirk. Si tu vois des gens qui adorent une tombe devant toi, et tu dis, oui, c'est correct, qu'est-ce qu'ils font? Du fait que tu l'as approuvé et que tu es d'accord avec ça, même si tu ne l'as pas fait toi-même, tu es avec eux et tu es un mouchrik comme eux. Et donc, ce n'est pas juste de dire, je ne le fais pas, c'est aussi de te désavouer complètement du shirk et de te désavouer également totalement des mouchrikins et de tout ce qu'ils font. Et le cheikh il mentionne, il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hommes, dis, voici mon chemin, voici ma voie, voici ma méthode. هذه سبيلي أدعو إلى الله. J'invite les hommes à Allah. على بصيرة, avec connaissance, avec compréhension. أنا ومن اتبعني, moi ainsi que ceux qui me suivent, c'est-à-dire moi j'appelle à Allah avec connaissance et ceux qui me suivent. Donc si tu dis que tu suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors toi aussi tu dois appeler à Allah avec compréhension et connaissance aussi. Tu dois suivre l'exemple. Wa subhanallah, hein? Wa subhanallah, c'est une parole qu'on dit pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis subhanallah, c'est une forme de tanzih, c'est une forme de purification. C'est comme si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de toute imperfection, de toute forme de shirk, de toute forme de défaillance, ou de manquement, ou de défaut, ou d'imperfection. Tu purifies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis subhanallah, que Allah soit purifié, que Allah soit exalté, hein, de tout ce que ces gens-là font. Donc, wa subhanallah. وما انا من المشركين. وما انا من المشركين, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu te désavoues complètement des mouchrikounes et de ce qu'ils font. Tu dis rien à voir avec eux. Je n'ai rien à voir et je ne veux rien savoir des gens qui font le shirk. Je ne suis pas avec eux et je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Hein? Mais tu les appelles au tawhid. Ça, c'est important. Donc, le cheikh, il explique tout ça et il faut comprendre que quand on est en train d'apprendre ça, c'est pas pour être en train de dire, par exemple, ou pour se concentrer sur le fait de dire aux gens, ah, lui, c'est un mouchrik, lui, c'est un mouchrik, lui, c'est un kafir, lui, c'est un kafir. C'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre et de connaître pour se sauver soi-même et pour sauver les autres qui sont autour de nous et pour être capable, justement, de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme on dit pour, hein? Comme on dit, yani, je sais pas si vous dites en français, mais en anglais on dit que, yani, quand quelqu'un, il sait qu'il est malade, il reconnaît qu'il est malade, on dit qu'il est à moitié guéri. Hein? Quand quelqu'un, il reconnaît qu'il est malade, il est à moitié guéri. Si quelqu'un refuse d'admettre qu'il est malade, il va même pas vouloir prendre le médicament. Mais s'il dit oui, je suis malade, tu lui donnes le médicament, il va le prendre. Eh bien, cette connaissance qu'on apprend, ça, disons que c'est le fait de reconnaître qu'il y a un malaise, qu'il y a un problème, qu'il y a un manquement, et après on donne le remède. Le remède, c'est quoi? C'est le tawhid. Ce remède, c'est de savoir qu'il faut adorer Allah seul, et qu'il faut s'écarter de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le remède. Et il faut le donner aux gens, pour que les gens puisse se guérir de cette maladie, de ce malaise, de ce problème, qui est la pire des maladies. Il n'y a pas une maladie plus grave que le shirk. Il n'y a pas un égarement plus grave et plus dangereux que le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc les autres péchés, il peut les pardonner à celui qui meurt sans se repentir, comme on l'a expliqué dans les cours précédents au sujet de la foi et des gens qui ont des kaba'ir. Mais celui qui meurt sur le shirk, c'est fini pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna shirka la zulmun azim. Le shirk c'est la plus grande forme d'injustice. Hein? Ouman yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Donc celui qui fait le shirk, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis et sa destination c'est l'enfer. Donc c'est le plus grave de tous les péchés, la plus grande de toutes les oppositions à la foi. Le cheikh il dit ensuite وهذا تنزيه الله عز وجل من الشرك والكفر والنفاق قوله وما انا من المشركين فهذا فيه البراء من المشركين فالمسلم الموحد لا بد ان يتبرأ من المشركين ولا يسعه ان يسكت والشرك يعج في البلد والأضرحة تبنى والطواف بالقبور معمور ولا يسع من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكت على هذا الوباء الخطير الذي يفتك في جسم الأمة ويقول لا أدعو الناس إلى حسن السيرة والسلوك وترك الخمور وترك الزنا ماذا يجدي هذه الأمور مع فقد الأساس أنت لما تبني بناء عندما تريد إقامة جدار أو إقامة بيت أو إقامة بيت ألست أول شيء تهتم بالأساس تهتم بالأساس والقواعد من أجل أن تقيم البناء الصحيح وإلا إذا لم تهتم بالأساس ولم تهتم بقواعد البناء فإنك مهما شيدته وجملته ونمقته فإنه عرضة للسقوط ويكون خطرا عليك وعلى من دخل هذا المبنى ذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة سليمة وأساس صحيح وتوحيد لله وتنزيه من الشرك وإبعاد للمشركين عن موطن الإسلام فإن هذا الدين لا ينفع أهله لأنه دين لم يبنى على أساس ولم يبنى على قاعدة. Le Cheikh il explique, il dit que donc quand on dit wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen, ça c'est comme si on purifie Allah comme on l'a expliqué de toute forme de shirk, de toute forme de kufr, de toute forme de nifaq, d'hypocrisie. Wa ma ana min al-mushrikeen, et ça c'est dans le verset 108 dans surat Yusuf. Hein? Je ne suis pas du nombre des mushrikines. Tu te désavoues des mushrikines. Donc le musulman qui est sur le tawhid, il faut qu'il se désavoue des mushrikines. Il ne peut pas rester. Il voit le shirk devant lui. Il voit les gens qui commettent le shirk devant lui dans le pays, dans la ville. Il voit qu'on construit des dômes ou des monuments, des mausolées sur les tombes. Hein? Il voit que les gens se rassemblent autour des tombes pour faire le tawaf, comme s'ils étaient à Mecca. Hein? Ils se réunissent une fois par année autour de la tombe de ce wali ou d'un tel, comme s'ils étaient à Mina. Ils font des tentes, ils vont visiter cette tombe et ils demandent à la tombe ou aux morts de leur donner la guérison pour une maladie, ou de leur donner un enfant si la femme ne peut pas enfanter, ou de leur donner un risque s'ils ne peuvent pas avoir un risque, hein? Ou des choses de ce genre. Ils prennent cette tombe ou ce wali ou ce sayyid comme un intermédiaire ou un intercesseur entre eux et Allah, ou bien ils l'adorent carrément directement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça c'est du shirk. Donc comment le croyant qui croit en Allah et au jour dernier, il voit ça devant lui avec ses deux yeux et il se tait, il dit rien. Hein? À la limite s'il voit des gens qui font des péchés, il va dire astaghfirullah, c'est quoi ça? Hein? Il va faire l'inkar le minimum de ce qu'il peut faire. Mais comment le croyant il voit des gens qui font du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait rien pour essayer de l'empêcher ou de l'arrêter ou de stopper ces choses là et il fait rien pour le dénoncer ou pour faire l'inkar ou pour dire que ça c'est, hein, que ça c'est shirk. Il se tait devant ce malheur, devant ce danger, devant ce malheur et ce danger qui est en train de détruire cette Ummah. Et donc ça c'est très grave. Et donc tu entends des gens parmi ces gens qui prétendent faire la da'wah et qui disent non, il ne faut pas parler de ça, il faut parler de moi j'invite les gens à corriger leur bon comportement, à avoir un bon comportement, à ne pas boire de l'alcool, à ne pas faire le zina, hein, à être bon envers leurs parents, à être bon envers le voisin, à avoir des bonnes manières, hein, à parfaire le comportement. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que ça va servir de faire ces choses-là si la base elle n'est pas correcte? Toi, quand tu veux construire une maison, quand tu veux construire un bâtiment, tu dois commencer par construire les fondations. Tu dois commencer par construire les bases. Lorsque tu veux construire un mur, une maison, tu ne vas pas commencer par le toit ou par les piliers ou les poutres. Tu commences par la base pour que ton bâtiment soit établi correctement et qu'il soit droit. Tu vas donner la plus grande importance à la fondation de ce bâtiment. Parce que si par la suite tu fais ce bâtiment sur une fondation qui est croche ou qui n'est pas droite, et que tu construis tout ce qui est dessus par la suite avec des belles décorations, une belle peinture, une belle finition, hein, des belles portes, une belle architecture à l'intérieur, mais que la base elle est croche, elle n'est pas droite, eh bien cette maison, elle risque de s'écrouler sur toi. Elle risque de s'écrouler sur toi et c'est dangereux pour toi et pour ceux qui vont rentrer dedans également. Et donc c'est la même chose pour la religion. Si tu ne l'as pas établie sur une bonne aqidah, sur une bonne base, sur le tawhid d'Allah, et de purifier ta religion du shirk et de t'écarter des mouchriquins, hein, eh bien ta religion elle ne sera pas bénéfique. Elle ne sera pas bénéfique pour toi, parce que c'est une religion qui a été établie, mais elle n'a pas de fondation, elle n'a pas de base. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam makasa bi Makkah ba'da al-bi'tha 13 sana yad'u an-nas ila at-tawhid yaqulu lin-nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Le cheikh il dit que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Mecca après avoir été envoyé comme prophète. Il est resté pendant 13 ans en train d'appeler les gens à la ilaha illallah, c'est-à-dire au tawhid. Il disait aux mouchriquins, dites la ilaha illallah, c'est-à-dire dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, vous allez avoir le succès. Dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, vous allez avoir le succès. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et vous allez avoir le succès. والصور المكية كما ذكرت لكم كلها تعالج قضية التوحيد وتأسيس العقيدة ثم لما تأسس التوحيد وقامت العقيدة نزلت شرائع الإسلام. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ليلة المعراج قبل الهجرة بأشهر وفرضت عليه بمكة بعدما تأسس التوحيد وبعدما بنيت العقيدة ثم نزلت الزكاة ونزل الصيام ونزل الحج ونزلت بقية شرائع الإسلام. يوضح هذا جليا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رسم له منهج الدعوة وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا بدأ بالتوحيد فإنهم أطاعوك لذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم. أول شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالدعوة إليه أن يبدأ بهذا الأصل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Donc le cheikh explique que les sourds, les versets qui ont été révélés à la Mecque, comme on a mentionné plus tôt, elle parlait en grande partie, elle parlait du tawhid. Les sourates qui ont été révélées à la Mecque, et regardez quand vous lisez le mushaf, regardez les sourates qui ont été révélées à Mecca, de quoi elles parlent? Elles parlent du tawhid, elles parlent de l'aqida, elles parlent de l'iman bil ghayb, mais elles concentrent toute la concentration sur le tawhid, sur la ilaha illallah, parce que c'est la base. C'est la base de l'aqida, c'est la base du tawhid. L'aqida est basée là-dessus. Puis les autres règles de l'islam, les autres principes de l'islam sont descendus par la suite, une par une. Hein? On voit par la suite que la salat a été révélée sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant la nuit du Mi'raj. Hein? La nuit de l'ascension, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter son prophète jusqu'au dernier des cieux et au-dessus des cieux. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné les 5 prières par jour. Hein? Et ça, c'était quelques mois avant la hijra. Quelques mois avant la hijra vers Mecca. Et ensuite, donc, la zakat est descendue. Puis le jeûne du ramadan par la suite. Puis ensuite, le hajj et les autres règles de l'islam sont descendues par la suite à Médine. Et cela a été clarifié clairement par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui nous explique dans un hadith, lorsqu'il a envoyé Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, au Yémen, il lui a mentionné la méthodologie de la da'wa, et comment on doit commencer pour faire la da'wa à Allah. Hein? Et il leur a dit, tu t'en vas vers un peuple parmi les gens du livre, des juifs et des chrétiens, tu t'en vas vers ces gens-là, des gens qui prétendent croire au messager d'Allah et qui prétendent être sur le tawhid des messagers, hein, mais qui ont introduit dans la religion des messagers et dans l'enseignement des messagers d'Allah beaucoup de déformations, beaucoup de déviations, beaucoup d'innovations, beaucoup de formes de shirk. Et donc c'est pour cette raison-là que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'ad, tu t'en vas vers des gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que lorsque vous voyez quelqu'un par exemple, qui n'est pas musulman, qui est chrétien ou juif, la première chose que vous devez lui expliquer au sujet de l'islam, c'est la ilaha illallah. C'est le tawhid d'Allah, et pas d'autre chose. Il y en a quand ils parlent avec des juifs et des chrétiens, ils lui parlent, ils disent, regardez, nous les musulmans, on a la générosité, on a le bon comportement, on a la bonté envers les parents, on a, hein, des choses de ce genre. Ça, c'est des choses qui ont été secondaires par rapport à la da'wah des messagers. La priorité, c'est le tawhid et la ilaha illallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça à Mu'ad, que la première chose à laquelle tu les invites soit la ilaha illallah. Donc c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, parmi les chrétiens et les juifs, et qu'il devient musulman, si vous lui demandez qu'est-ce qui vous a amené à l'islam, la chose qu'il devrait répondre en premier, c'est la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah qui m'a fait rentrer dans l'islam. C'est la ilaha illallah qui m'a attiré à l'islam. C'est la ilaha illallah qui a été la cause de ma conversion à l'islam. Pourquoi? Parce que dans le christianisme et dans le judaïsme, il y a le shirk qui oppose la base de la da'wah de tous les messagers d'Allah. Et que si quelqu'un n'a pas accepté le tawhid des messagers, alors dans ce cas-là, il n'a rien de la religion des messagers, même s'il pratique certains aspects de la religion de ces messagers-là. Hein? Et donc ça c'est très important. Et donc le cheikh il dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit de dire la ilaha illallah. Et dans une autre narration, il a un yuwahidullah, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire regardez comment ils commencent par le tawhid. Et s'ils t'obéissent à ce sujet-là, ils te suivent dans le tawhid, c'est-à-dire ils ont accepté et ils ont dit la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors dans ce cas-là, enseigne-leur, hein, enseigne-leur que Allah leur a ordonné 5 prières par jour. Quand on dit la ilaha illallah aujourd'hui, les gens quand on leur explique en français la ilaha illallah, souvent ils ne savent pas ce que ça veut dire, ou ils ne savent pas comment l'expliquer. Hein? Et là, ilaha illallah, il y en a qui le traduisent en disant, il n'est de Dieu que Dieu. Ou il n'est de créateur que Dieu. Et ça, ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. C'est juste une partie de la signification de la ilaha illallah. Mais cette partie-là, elle est incomplète et insuffisante. Si quelqu'un dit, il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de créateur que Dieu, alors sa compréhension du tawhid, elle est incorrecte, incomplète. Puisque même les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient qu'ils disaient, il n'est de Dieu que Dieu, il n'est de créateur que Dieu. Les gens qui adoraient les idoles à la Mecque, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient qu'il y a un Dieu unique, et que c'est lui seul qui est le créateur, et que c'est lui seul qui est le pourvoyeur, et que c'est lui seul qui fait vivre, et que c'est lui seul qui fait mourir, et que c'est lui seul qui gère tout dans l'univers. Les mouchriquins de la Mecque, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, وَلَا إِنْ سَهَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. C'est-à-dire les gens de la Mecque, les mouchriquins et les kuffars, ils disaient que le seul créateur c'est Allah, qu'il est un Dieu unique. Alors dans ce cas-là, pourquoi Allah les a appelés mouchriquins? Dans ce cas-là, pourquoi ils ont été appelés mouchriquins? Parce qu'ils prenaient entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs pour se rapprocher d'Allah. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires entre nous et Allah. Hein? Sont nos shufa'a. Donc c'était ça leur shirk. Hein? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. On les adore seulement pour qu'ils puissent nous rapprocher plus d'Allah. Ils refusaient d'adorer Dieu directement. Ils refusaient d'adorer Allah directement et uniquement. Mais ils reconnaissaient que Dieu est unique. Ils reconnaissaient que Dieu est le seul créateur. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui prétendent faire la da'wah et qui partent à l'est et à l'ouest et qui se promènent de mosquée en mosquée et de quartier en quartier. Et quand ils rencontrent les musulmans, la seule chose qu'il leur dit, c'est qu'il y a un créateur et un seul maître de l'univers. Et ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire de faire sortir la fausse conviction en les choses et de faire rentrer dans le cœur la conviction que seul Allah est le créateur, que seul Allah est le pourvoyeur, que seul Allah est celui qui fait vivre et qui fait mourir. En d'autres mots, ils ne se concentrent que sur Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire le fait de croire que Allah est le seul maître et le seul créateur. Et ça, c'est une catégorie du Tawhid que même les mouchriquins de Quraysh, ils acceptaient eux déjà. Ils n'étaient pas contre le fait que Allah est le créateur. Et c'est pas là-dessus qu'il y a eu le conflit entre eux et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le conflit entre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les mouchriquins de Quraysh, c'était au sujet de l'adoration, au sujet de tawhid al-ibad. Et donc c'est pour ça que c'est important d'expliquer aux musulmans que la ilaha illallah, ça ne signifie pas il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de créateur que Dieu, ou il n'est qu'il y a un Dieu unique seulement et il faut croire en lui seulement. C'est pas ça seulement la signification de la ilaha illallah. La vraie signification de la ilaha illallah, en français, si on le traduit, c'est il n'est de Dieu, c'est il n'est rien qui mérite d'être adoré que Dieu, il n'est rien qui mérite d'être adoré que Allah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté le créateur de l'univers, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est rejeté, c'est faux, c'est batil. D'accord? Donc ensuite, s'ils acceptent ça, ils vont devoir maintenant par la suite appliquer les 5 prières par jour. Et pas avant. Donc ils ont accepté ça, on leur apprend les salawats. Après ils ont accepté les salawats, on leur apprend par la suite qu'ils doivent donner une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, qu'on prend des riches et qu'on distribue aux pauvres. Hein? Et donc ça c'est l'exemple de la da'wah qu'on doit suivre, et c'est ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mu'adh ibn Jabal. Et pourquoi? C'est de commencer par ce fondement-là. Ça signifie de commencer par le témoignage de la ilaha illallah, parce que c'est la base de l'islam. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour maintenant, et on va continuer ça, inshallah, bi'ibnillah, demain matin, après le Fajr, bi'ibnillah, la suite de cette conférence très importante au sujet du tawhid. Et c'est un rappel. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.